voudrais dans les faire taire. Et pourquoi pas les jeter à la mer. Trop fort dans ma tête. Tu sais, je voudrais juste que ça s'arrête. Je voudrais respirer, calmer la tempête. Je voudrais juste que mes pensées s'arrêtent. Ces idées qui se mélangent et qui me rendent malade, je le sens dans mes veines. Je suis malade, je suis rongée par la peine. Encore un jour de plus à essayer d'affronter dehors. Encore un jour de plus à affronter les mélanges de corps. Et j'essaye de sortir. Je veux pas laisser le temps se figer. J'essaye de m'en sortir. Y'a trop de choses que je laisse de côté. Trop fort dans ma tête. Tu sais, je voudrais juste que ça s'arrête. Je voudrais respirer, calmer la tempête. Je voudrais juste que mes pensées s'arrêtent. Ces idées qui se mélangent et qui me rendent. Dans ma tête, tu sais, je voudrais juste que ça s'arrête. Je voudrais respirer, calmer la tête.